forme, les animaux sont au centre de plusieurs récits. Caroline Soucy nous fait découvrir un asticot dépressif. Francis Desharnais tremble face à un écureuil carnivore. Et Sébastien Rivet se débarrasse d'un poisson. Découvrez aussi les chroniques bouffe de Cyril Doisneau et cinéma de Julie Delporte. La revue Planche, en librairie dès maintenant. Émission activée. Micro ouvert. Bienvenue. Émission Le Grain de Sable. Attention, attention, il y a un grain de sable dans la machine. Et passe les âges, le temps teste tes vertus. Petit renard, il te faudra bien du courage pour pas finir perdu. L'espace et l'orage, derrière le soleil brille, as-tu vu? Si je te disais, tout peut changer, me croirais-tu? Bonjour tout le monde, bon samedi, bienvenue à notre émission Le Grain de Sable, qui est de l'émission sur les actualités politiques ici au Canada, mais aussi à l'international, surtout ce samedi, parce qu'on doit parler d'Europe. Reparler d'Europe, pour être précis. On a déjà parlé il y a 2 semaines des élections présidentielles en France, élections très importantes à cause des, des plus fortes chances de gagner pour le Parti nationaliste, par exemple le Front national de Marine Le Pen, dont on a beaucoup parlé il y a 2 semaines. Ça, c'était le premier tour qui s'est terminé avec les deux candidats en tête, Emmanuel Macron dans son propre parti, Emmanuel Macron qui provient du Parti socialiste là-bas en France, contre Marine Le Pen qui est arrivée deuxième du Front national. Alors on va pouvoir parler des chances de gagner de l'un et l'autre, qu'est-ce qu'ils représentent, quel est leur programme ou leur absence de programme. Si je peux vous résumer ça en quelques secondes, j'ai envie de dire que c'est un peu une répétition de cette élection-là que tout le monde a suivi un peu aux États-Unis, entre Hillary Clinton et Donald Trump, dans le sens qu'on a un candidat soutenu, disons, par le système, je dirais, bancaire, médiatique, qui représente un peu la continuité, les affaires qui se continuent comme elles se faisaient avant, et un autre candidat assez imprévisible avec un programme aux conséquences, je dirais, assez difficile à lire ou à prédire. On va aussi parler de l'Allemagne, un voisin de la France qui a beaucoup d'influence sur la politique européenne. C'est pour ça qu'il va falloir en parler, surtout qu'eux aussi vont avoir leurs élections. Ce sera leur tour en septembre prochain. Et on va avoir en deuxième partie d'émission notre animateur Jean Cloutier, qui lui se trouve à Saint-Casimir parce qu'il assiste au Festival de films pour l'environnement à Saint-Casimir. Il va aussi pouvoir nous donner ses réactions sur ce premier tour des élections présidentielles en France. On va d'abord se laisser tout de suite pour une petite pause musicale. On revient dans quelques minutes. Quittez pas. Down, down, the sycophant, down, down, the factory. Bonjour à tous, bienvenue au Grain de sable. Ici Étienne Blondeau. Notre animateur régulier, Jean Cloutier, se trouve à Saint-Casimir. Il est au Festival des films pour l'environnement. Il va nous appeler, ou plutôt on va l'appeler à la demi-heure, à 2h30, pour pouvoir lui parler de son festival, ce festival-là à Saint-Casimir, sur les films sur l'environnement. Et pour parler aussi des élections françaises, qu'on va couvrir tout de suite en fait, parce que j'ai plusieurs commentaires sur ce premier tour des présidentielles en France, qui nous a les résultats étaient proches de ce que je disais il y a deux semaines, mais il y a eu une petite surprise, parce que moi j'avais dit qu'il y avait les quatre candidats en tête qui étaient vraiment coude à coude. Là. On sentait que ça allait être une course tellement serrée là, qu'il faudrait, comme dans le sport, là, une photo pour voir la ligne d'arrivée, essayer de distinguer qui était à un millimètre plus avancé que les autres. Essentiellement, c'est ça qui s'est produit. Les quatre candidats en tête ont chacun fait en grosso modo 20%. On avait dans l'ordre du plus grand nombre de votes, on a Emmanuel Macron d'abord, qui provient du Parti socialiste, mais qui s'est fait son propre parti pour ne pas être entaché par l'image des socialistes ou de François Hollande, l'actuel président. Qui est peut-être l'homme le plus détesté de France. Et en deuxième, on a Marine Le Pen, du nationaliste, du Front National. En troisième, on a François Fillon, qui représente la droite. Et que les gens s'attendaient à ce qu'il soit gagnant il y a à peine un an, mais il était simplement, je dirais, mauvais sur tous les plans, incapable de se défendre correctement, entaché par toutes les accusations de népotisme où est-ce qu'il plaçait des gens de sa famille pour leur trouver des emplois grâce à son pouvoir au Parlement. Et en quatrième, on a le candidat dont j'avais beaucoup parlé il y a deux semaines, Jean-Luc Mélenchon de la gauche, qui a beaucoup progressé en quelques années seulement, mais malheureusement, c'est ça, il est arrivé quatrième, il n'a pas eu un nombre de votes assez important pour être contre Marine Le Pen au second tour. Second tour qui va se faire le 7 mai, ça va arriver très rapidement, environ une semaine. C'est ça, ça aurait été vraiment intéressant qu'on ait un duel entre la nationaliste Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, parce que lui, je crois qu'il y avait le charisme, les talents pour donner des discours politiques. Il était dans une vraiment une courbe de croissance intéressante. Il était un très petit candidat, mais il est arrivé quatrième avec presque autant de voix que les autres très grands candidats, les grands partis. Vraiment, c'est un homme qui a beaucoup d'avenir, Jean-Luc Mélenchon, en France, comme politicien de gauche et pour faire progresser les idées plus progressistes. Et vraiment, si jamais il avait été en duel contre Marine Le Pen, ça aurait été très intéressant parce que ça aurait peut-être été un test pour cette idée-là qu'on croise assez souvent et que je partage, qui est que aux États-Unis, par exemple, en 2016, Bernie Sanders, le candidat de gauche, aurait certainement eu bien plus de chances de battre Donald Trump que Hillary Clinton, qui, elle, était vraiment... lorsqu'elle avait des politiques de gauche, c'était vraiment du bout des lèvres qu'elle l'admettait. Et bien sûr qu'il y avait un passé qui traînait beaucoup de casseroles, d'accusations, de très mauvaises décisions, souvent en faveur des banques après des décennies dans les sphères du pouvoir. Alors vraiment, le candidat comme Bernie Sanders était un candidat plus du renouveau ou pour essayer des nouvelles politiques, pour essayer d'améliorer les choses. Je pense que Jean-Luc Mélenchon incarne quelque chose d'assez proche en France, avec probablement une personnalité plus bagarreur, plus combative que Bernie Sanders. Donc c'est une occasion manquée. Là, la question... Puisque c'est bien Marine Le Pen contre Emmanuel Macron, c'est à quel point Marine Le Pen a des chances de passer. Honnêtement, j'ai pas l'impression qu'elle a de grandes chances, mais en même temps, le système médiatique, les forces de l'argent, l'équivalent en France du Conseil du patronat, se sont tellement mobilisés derrière Emmanuel Macron que comment dire... Marine Le Pen, vraiment, a pas grand-chance, mais en même temps, Emmanuel Macron a tous ces appuis-là très puissants, très riches, qui étaient au pouvoir depuis toujours. Peut-être ça va entacher sa réputation à lui et que cette femme-là, Marine Le Pen, va paraître être la candidate du renouveau et peut-être va gagner des votes. Parce que, bon, pour ce qui est de ses chances de Marine Le Pen, essentiellement, il faut qu'elle arrive à piger d'autres votes que ceux du Front National. Et les gros bassins de vote, qui sait? C'est pas nécessairement Nicolas Dupont-Aignan qui vient tout juste de joindre à elle, un petit candidat qui vaut 5 % de voix. Ce sera pas assez pour gagner. Il faut qu'elle prenne des voix à Mélenchon. Je pense que c'est impossible. C'est le candidat de la gauche radicale. Je pense pas que beaucoup de ses partisans vont pencher pour Le Pen. Et il y a les votes de François Fillon, de la droite, comme je disais. Mais eux, c'est surtout le vote catholique. C'est possible qu'il se penche vers Marine Le Pen. Mais aussi des votes assez âgés, des votes de retraités. Retraités qui, il faut le dire, ont en horreur toute idée de sortir de l'Union européenne et d'abandonner l'euro. L'euro, c'est une monnaie forte, une monnaie chère, et lorsque vos fonds de retraite sont exprimés en euros, eh bien, ils valent beaucoup plus que s'il y avait un retour au franc, une monnaie qui baisserait, et là, de fait, vos retraites seraient plus petites. Alors, je pense que si les votants plus âgés, les retraités qui ont donné leur voix à François Fillon, si jamais cette idée-là de sortir de l'euro se manifestait du côté de Mme Le Pen, là, il la fuirait carrément. Avant de me pencher vers son rival, Emmanuel Macron, je pense qu'on peut faire une petite pause musicale. On revient dans quelques minutes. En attendant le véritable amour, en attendant le véritable amour, j'ai travaillé fort plusieurs fois, fait le tour. En attendant le véritable amour. Je regarde pour la plage chaude au soleil. Je regarde pour la plage chaude au soleil. J'ai cherché loin, trouvé partout pareil. Et je regarde pour la plage chaude au soleil. En attendant le véritable amour. En attendant le véritable amour. Je travaillais fort, plusieurs fois fait le tour. Et je crois toujours au véritable amour. Bonjour, vous êtes toujours au Grain de Sable où on parle des élections qui ont cours en France parce qu'on est dans l'entre-deux tours. On a eu un premier tour qui a désigné deux candidats, Emmanuel Macron contre Marine Le Pen, et le deuxième tour qui va décider qui sera président français, ça va avoir lieu le 7 mai prochain. Alors je disais que les chances de Marine Le Pen sont basses parce que tous les observateurs voient qu'elle doit trouver de nouveaux électeurs. Elle doit convaincre d'autres gens que son clan, là, que ceux qui votent pour elle depuis toujours, à peu près 20%, 21% à peine. Alors, c'est pour ça que les gens ont tendance à croire que son rival Emmanuel Macron va gagner les doigts dans le nez. Honnêtement, c'est pas tellement sûr, parce que comme j'ai dit souvent, il y a des rapprochements à faire entre Emmanuel Macron et Hillary Clinton, qui, on le sait tous, a perdu. Emmanuel Macron, bon, c'est sûr qu'il y a beaucoup d'électeurs derrière lui, vu qu'il est arrivé premier au premier tour. Mais ça reste assez étrange, parce que moi, je me pose la question, qui est l'électeur d'Emmanuel Macron? C'est un peu comme le Sasquatch, là. Les gens disent l'avoir vu, l'avoir aperçu, mais on comprend pas trop où est-ce qu'il se trouve, de quoi il a de l'air. Ça a l'air d'être une créature mythique un peu, parce que Emmanuel Macron a pas vraiment de programme. Il y a pas de message clair. Comme je le disais il y a deux semaines, les gens qui venaient à ces rassemblements politiques fuyaient carrément en plein milieu. C'était pas fini du tout. Ils sortaient de la salle, ils quittaient leur siège. Les journalistes pointaient leur micro et leur demandaient qu'est-ce qui se passait. Et eux disaient, ils parlent sans rien dire. Pendant des minutes et des minutes, c'est très long, mais il n'a jamais rien proposé. Il n'a jamais donné une raison de voter pour lui. Alors, c'est assez grave quand des gens qui ont fait l'effort de se déplacer pour le voir en personne, M. Macron, le fuient quand il voit enfin. C'est assez grave, assez inquiétant pour lui ou pour ses chances. Et c'est ça, il n'y a pas de projet clair. Et on dirait que sa seule carte en main, c'est peut-être la peur. C'est peut-être de faire croire que Marine Le Pen a tellement des chances fortes de passer que peut-être ça effraierait assez de gens pour qu'ils courent aux urnes pour voter contre Marine Le Pen. En votant pour lui, pour M. Macron. Je suis pas sûr que la peur à elle seule aide vraiment. Parce qu'encore une fois, on a vu l'exemple d'Hillary Clinton contre Donald Trump. Beaucoup de gens ont eu un discours de peur contre Donald Trump et il a quand même réussi à passer. Parce que je crois que dans le cas d'Hillary Clinton, comme dans le cas d'Emmanuel Macron, ce qui est visé, c'est un électorat jeune, souvent issu de l'immigration aussi, et qui sont les personnes qui votent peu, hein? Par exemple, des retraités, ça vote sans exception toujours, mais des gens plus jeunes ou arrivés plus récemment dans le pays, souvent vont se sentir moins impliqués, moins interpellés par les élections, et le jour où ça compte, ben ils vont rester chez eux, surtout s'il n'y a aucun candidat qui leur donne une raison valable de sortir, là, de faire l'effort d'aller voter. Et Emmanuel Macron leur donne aucune raison, aucun bel exemple pour voter. Alors ça se peut qu'il y en ait beaucoup qui restent chez eux, sauf si le message de la peur réussit à lui tout seul, j'en suis pas sûr. Et c'est ça, c'est pas non plus l'élu des dieux parce que il y a 39 millions de Français qui ont voté pour quelqu'un d'autre que lui. Est-ce qu'ils vont vraiment se mettre à l'aimer soudainement, simplement parce que des chefs de parti comme François Fillon, qui a rien en commun avec Emmanuel Macron, qui l'a combattu pendant longtemps, appellerait à voter pour lui? Honnêtement, je suis pas du tout sûr que les transferts de vote vont se faire automatiquement. Et comme je disais, il est soutenu par tout ce que la France a de conseils de patronat, de banquiers. Il est soutenu aussi par M. Juncker de la Commission européenne, par la chancelière Angela Merkel. Vraiment des gens qui, je crois, ont pas nécessairement la sympathie du public français, mais qui ont certainement la sympathie de la haute finance. c'est peut-être un peu une malédiction d'être trop soutenu par les gens qui profitent ces temps-ci, qui profitent des paradis fiscaux, des impôts bas, qui semblent profiter très bien d'une situation de chômage élevé. Emmanuel Macron est entaché par ça. Et d'ailleurs, d'avoir tous ces soutiens-là, tous ces grands noms-là qui se rangent derrière lui, et d'avoir aussi le soutien de tous les journalistes qui parlaient très souvent de lui, qui l'ont mis en couverture des magazines, vraiment des millions là, en publicité gratuite de la part des médias français. Tout ça pourquoi? Pour qu'au premier tour, il devance Marine Le Pen d'à peine 2% de voix. C'est pas énorme, là. Des millions de publicités gratuites pour dépasser de quelques millimètres Marine Le Pen. Franchement, c'est pas impressionnant. Marine Le Pen, je crois que sa seule chance de gagner, honnêtement, en réaction à tout ce soutien-là d'Emmanuel Macron, c'est d'un peu de faire d'elle-même une Alexis Tsipras. Lui qui, en Grèce, essayait d'être le candidat plus de gauche radicale qui allait sauver les programmes publics contre les banquiers, contre la finance et contre l'Union européenne. Si elle adopte ce message-là, et si elle martèle ce message-là, je crois que ses chances de gagner sont bonnes, même si, je dois le répéter, pour elle, la situation est honnêtement très difficile. Mais bon, avec l'année qu'on a eue en 2016, il n'y a plus rien qui va me surprendre. D'ailleurs, j'ai mentionné la chancelière allemande Angela Merkel. Je pense qu'on va pouvoir la mentionner un peu plus tard parce qu'on va d'abord aller en pause musicale, mais tout de suite après, on va parler de l'Allemagne un peu, qui est très important dans la situation européenne. On revient tout de suite.

Bonjour, vous êtes toujours au Grain de sable avec Étienne Blondeau qui rejoint en ce moment Jean Cloutier qui est à Saint-Casimir dans le cadre du Festival de films pour l'environnement. Bonjour Jean, est-ce que ça va? Bonjour, ça va très bien. Alors, est-ce que tu peux nous parler un peu de ce festival de films-là, nous expliquer en quoi ça consiste pour ceux qui ne connaissent pas? Ah, c'est le Festival de films pour l'environnement de Portneuf qui se déroule ici à Saint-Casimir. On en est à la dernière journée. Depuis le 21 avril, il y a plus de 28 films qui ont été mis en compétition à partir d'une sélection de près de 150 films qui avaient été reçus. Les gagnants seront annoncés ce soir dans le cadre d'une soirée gala. Et après cette soirée gala, suivra un cabaret Kino Saint-Casimir, à prononcer avec des cas partout. Donc, il y a une quarantaine de cinéastes, amateurs et professionnels, des gens qui sont venus pour faire du son ou agir comme comédiens de films, qui sont en train de finaliser le montage de leur propre film qui ont pris une cinquantaine d'heures à monter. Donc, depuis jeudi matin, Saint-Casimir est transformé en plateau de tournage, en lieu de tournage, mais aussi en lieu de festival. Et présentement, j'ai dû sortir de la salle de l'Hôtel de Ville, la salle municipale de l'Hôtel de Ville de Saint-Casimir, pour faire l'entrevue. Mais à l'heure actuelle, il y a le film Le Kid de Charlie Chaplin qui est en train d'être diffusé en présence d'Yves Durand, le concepteur du musée World Chaplin's World en Suisse, au manoir de Man, l'endroit où Charlie Chaplin lui-même a fini ses jours. Et il sera présent pour répondre aux questions des gens. C'est sûr que c'est trop tard pour les gens de Québec de venir à Saint-Casimir, mais il est encore temps de venir pour 19h30 assister à la soirée gala où on remettra les prix de ces films parmi les 28 films en compétition. Il y a des films étrangers, africains, de tous les continents sont représentés ici. Et évidemment, ce qui est typique, c'est que c'est le seul festival de films francophones dédié à 100% à l'environnement. Donc, à tous les soirs, depuis vendredi, il y a des films selon des thèmes, des thématiques différentes. Alors, moi, je suis ici depuis vendredi parce que c'est moi qui anime les projections débats avant et pendant et après les films. Sauf aujourd'hui, c'est Geneviève Bilodeau, la marraine du festival. Geneviève Bilodeau, peut-être que les gens la connaissent comme étant une des fondatrices du groupe Anne-Victor à l'époque, et qui est comédienne, qui joue dans plusieurs téléromans connus au Québec et qui elle-même réalise des films documentaires avec son conjoint Patrick Bourgeois, et son film devrait être présenté d'ailleurs très prochainement dans certains festivals connus. Donc, j'ai rencontré les membres du jury ce matin qui ont déjà déterminé les gagnants. Donc, eux, à l'heure actuelle, savent très bien qui va gagner ce soir. Donc, Geneviève Bilodeau est la présidente du jury aussi, en plus d'être marraine du festival. Et le festival est sous la présidence d'honneur de Mylène Paquette. Et tous les deux, Geneviève et Mylène, sont en train de regarder le film Le Kid sur le thème de la simplicité volontaire. Pour ceux qui connaissent l'œuvre de Chaplin et qui ont écouté Grain de sable il y a quelques semaines, je crois que c'est en février, j'avais eu comme invité Yves Durand, le concepteur du musée Chaplin's World, et il est effectivement revenu de Suisse pour animer cette présentation débat sur le thème simplicité volontaire avec le film The Kid. C'est ça. Est-ce que Charlie Chaplin était un peu environnementaliste lui aussi à l'époque? Est-ce que c'est... En fait, Yves Durand pourrait vous l'expliquer mieux que moi, mais c'était un humaniste avant le temps, c'était un anticapitaliste avant le temps. C'était le terme ne va pas tellement exister comme on le connaît aujourd'hui, écologiste, environnementaliste, mais son côté humaniste, on le voit dans son œuvre, où c'est toujours de protéger le petit contre le grand. Donc, j'imagine qu'il serait plutôt du côté des écologistes à se battre contre les grandes multinationales, qu'elles soient suisses, américaines, ou peu importe, c'est le petit qui veut défendre le grand. On voit bien, je le vois en train d'essayer de sauver la vie d'un petit bébé orphelin qui était laissé comme ça par la mère, et on voit que ça débrouillardise. C'est un vagabond qui était du côté des petits. Alors, je pense que David Goliath, il devait connaître à l'époque. Oui, et pour ceux qui ont peut-être manqué ce festival, cette édition-là du Festival de films et qui peut-être voudraient être présents pour les années prochaines, est-ce que vous pouvez nous donner une idée à peu près du genre de film? C'est quoi les sujets qui sont traités dans ces films-là habituellement? C'est une très bonne question, et d'ailleurs, je pense que le comité de sélection des films serais content d'entendre parler que, dans le fond, c'est pas eux qui décident des thèmes, même si, effectivement, cette année, puisque c'est l'année internationale de l'ONU sur le tourisme durable pour le développement, eh bien, il y a eu des ateliers organisés pour les jeunes, des activités scolaires. Dans le cadre de leurs activités scolaires, ils devaient venir ici à l'hôtel de ville et être sensibilisés à l'environnement par des démonstrations sur les toilettes sèches à compost. Par exemple, il y avait un modèle qui était fabriqué par Lucie Mingui et son équipe des huiles essentielles à l'Elixir. Ils ont un modèle et chacun des élèves pouvait venir se faire expliquer comment fonctionne une toilette sèche à compost. Mais pour les thèmes, c'est vraiment les films qui ont été reçus. Il y en a près de 150 qui ont été reçus. Et le comité de sélection, en visionnant les films, ont établi des catégories. On présentait entre 3 et 4 films par soir. Donc, l'an prochain, tout dépendant du thème de l'ONU qui sera déterminé en décembre seulement, ça orientera les activités scolaires faites dans les écoles scolaires primaires et secondaires dans la région de Portneuf. Mais pour le reste, c'est vraiment les productions qui ont été faites dans la dernière année, au cours des 2 dernières années, en fait, ceux qui sont invités à présenter leurs films font en sorte qu'on détermine les blocs thématiques de chacune des journées. C'est comme ça que ça fonctionne ici. Donc, on peut pas vraiment deviner à l'avance ce qui se produira comme film documentaire. Il y a même des films de fiction, beaucoup de films d'animation. Donc, je trouve ça intéressant de s'adapter à l'actualité. L'an dernier, le thème de l'ONU, c'était les légumineuses. Donc, les jeunes dans les écoles ont été invités à faire des œuvres d'art à partir de lentilles, à partir de légumineuses, et tout ça a été filmé, en fait. Et c'est ce que les gens prendront, comme les jeunes de la région de Portneuf, ce soir, vont venir avec leurs parents voir les films qu'ils ont faits. Et cette année, il y avait l'acquisition d'un écran vert. Vous savez, quand on met un écran vert derrière une caméra, on peut y reproduire ce qu'on veut par la suite. Donc, les jeunes se sont amusés avec une marionnette qui représente la mascotte du festival devant un écran vert. Et donc, il y a des productions, il y a une équipe de monteurs ici qui font des films d'animation. Et il y a plein de jeunes qui sont sensibilisés à comment ça se fait des vues, comment ça se fait des films, en venant voir le résultat final qui ont été montés. D'ailleurs, je vois que les monteurs travaillaient jusqu'à 2-3 heures du matin hier pour être sûr que tous ces montages seront finalisés pour ce soir. Étienne, juste à côté de moi, j'ai Charlie, une comédienne qui est responsable des kinos. Et je sais pas si ça t'intéresse d'en savoir un peu plus, mais j'ai le goût de te passer le téléphone à Charlie, qui elle-même a joué dans des films l'année passée. Elle a découvert la 13e édition du festival l'année dernière. Et cette année, je pense qu'elle a tellement aimé ça qu'elle a réuni un nombre record de kinoïtes pour faire des films. Je te la passe. Oui. Bonjour. Bonjour Charlie. Est-ce qu'on pourrait avoir une idée générale de cette édition-là du festival pour nos auditeurs? Quel genre de films ont été présentés? Quelle était l'atmosphère là-bas? Ben, dans le fond, moi, personnellement, j'organisais le cabaret Kino, là. Ma mission était de réunir des cinéastes pour créer pendant 3 jours des courts-métrages qui vont être présentés ce soir. Fait que c'est plus de cet aspect-là que je suis capable de te parler. Mais cette année, on est une trentaine là, de cinéastes, de comédiens, de réalisateurs, de monteurs, de preneurs de son qui se sont réunis. Puis ce soir, on devrait présenter une quinzaine de films avec la thématique de l'environnement, des courts-métrages à saveur comique, parfois d'horreur, d'autres un peu plus axés sur le drame. Donc, ça va être bien varié comme soirée là, de projection ce soir. Ah, c'est intéressant. Et c'est ça, il y a des films de fiction, comme vous dites. C'est pas juste du documentaire, c'est ça? Oui, ben dans le fond, le Cabaret Kino, c'est essentiellement axé sur la création de fiction. Donc, il y aura pas vraiment de documentaire présenté ce soir. C'est vraiment la folie des cinéastes là, qui est mis de l'avant. Et c'est ça, de ce que Jean Cloutier disait précédemment, il y a eu beaucoup d'activités pour les enfants. Donc, est-ce que c'est une atmosphère familiale? C'est surtout un événement pour toute la famille. Est-ce que c'est ça? L'événement ce soir est présenté à 21h, donc ouais. C'est sûr que la plupart des enfants sont couchés ouais, à cette heure-là. Mais oui, c'est sûr que ça reste accessible à tous, bien que quelques courts-métrages auront beaucoup de faux sang ouais. dans la partie. Est-ce qu'il est au moins écologique, le faux sang? C'est ça la question que tout le monde se pose. Oui, oui, il est probablement très écologique. Mais tant mieux. Bon, ben merci beaucoup de nous avoir parlé du gala. On va vous souhaiter une bonne soirée à Saint-Casimir. Merci beaucoup. Beaucoup. Au revoir. Au revoir. Oui. Alors, Jean, donc, ça commence à quelle heure? À 19h30, la soirée gala. Et oui. Une fois que la soirée gala sera terminée et que les enfants iront se coucher, effectivement, le cabaret Kino Saint-Casimir commence à 21h. Ça vaut la peine de se rendre. Il y a Amigo Express qui a une entente avec les gens du FFPE, du Festival de films pour l'environnement. Donc, si vous allez sur le site Amigo Express, il y aura peut-être possibilité de co-partager vos transports pour venir ici faire la fête et peut-être goûter la microbrasserie du coin. Oui, ben, l'appel est lancé pour ceux qui peuvent faire le déplacement pour ce soir, vu que c'est la journée finale du festival, comme tu nous disais. Vu qu'on a un peu de temps devant nous, je me demandais si on pouvait te demander c'est quoi ton avis sur ce dont on parlait en première partie d'émission, là, le premier tour des présidentielles en France. J'imagine que tu as réussi à suivre un peu la soirée électorale. Oui, et en plus, ce matin, j'ai lu quelques reportages de France Inter. De Radio France Internationale aussi, avec qui on a quelques ententes à CKRL. Et tout le monde couronne Emmanuel Macron. Ouais. Il est vraiment en marche vers l'Élysée. Il y a même l'ancien premier ministre Manuel Valls qui se voit dans le gouvernement de Macron. Donc, je pense qu'il y a quand même des sondages qui parlent. Mais il ne faut pas sous-estimer la base solide de Marine Le Pen. J'ai vu que déjà un des 11 candidats, là, un des 10 autres candidats au premier tour, s'est rallié à Marine Le Pen, oui. Nicolas Aignan, et lui, je crois qu'il valait environ 5 %. Oui, c'est ça. Alors, voyez-vous, Mme Le Pen vient de gagner 5 %. En théorie, là, en pratique, il y a des sondages qui disent qu'il n'y a pas plus que la moitié des gens qui ont voté au premier tour, d'une manière, vont suivre les recommandations de leur... De leur choix, si on peut dire. Donc, il y a quand même donc quelques pourcentages qui vont bouger vers Marine Le Pen. Elle mène une campagne et on sent, j'ai senti, je ne sais pas si tu l'as senti, toi, Étienne, mais je sens que la campagne vraiment s'en vient dichotomique. Autrement dit, les grands dossiers de Marine Le Pen, outre ceux qu'on connaît là, qui sont très répugnants là, par rapport à l'immigration, il y a quand même un débat sur l'identité nationale qui est en train de se faire. Pour ou contre la souveraineté elle-même de la France, autrement dit la sortie de l'euro, de l'Europe et de certains traités. Alors, on voit très bien là qu'il y a des gens qui même ils se mettent le nez les doigts sur le nez quand ils pensent à Marine Le Pen, certains vont peut-être même voter pour elle parce que le système et tout le système que représente Emmanuel Macron, la vieille façon de faire la vieille politique pourrait peut-être faire en sorte que même des gens qui n'auraient jamais pensé s'imaginer voter pour Le Pen pourraient le faire pour des raisons autres que celle de supporter le Front National et ses politiques rétrogrades. C'est ça, parce que moi, une anecdote, quelque chose que tu as peut-être aperçu, là, qui est passé dans les nouvelles, c'est cette histoire-là des ouvriers de Whirlpool qui, c'est ça, supprime des emplois. À Amiens, le lieu de naissance d'Emmanuel Macron. Hein? En plus, c'est ça. Alors, Marine Le Pen était allée visiter ces ouvriers-là et elle a reçu un très bon accueil et Emmanuel Macron, lui, il voulait pas être en reste, alors il est passé, je crois, quelques minutes, pas très longtemps après elle, et ces mêmes ouvriers-là, c'était les mêmes, rassemblés au même endroit, ceux qui applaudissaient Marine Le Pen ont hué Emmanuel Macron, alors on dirait qu'ils connectent pas avec les ouvriers, c'est notre impression, là. Cette cristallisation qui est en train de se produire, les ouvriers qui peut-être même sont d'origine maghrébine, qui normalement ont nié le programme du Front National, voyez-vous, là, pour des raisons syndicales, peut-être des raisons de rejet du système que représente Emmanuel Macron vont peut-être pencher de ce côté-là. Donc, moi, je ne donnerai pas tout de suite la victoire à Emmanuel Macron, qu'on présente en France comme étant le Trudeau français, de par sa jeunesse, de par ses idées multi-ethniques, multinationales, je dirais même transnationales, très proche des grands banquiers dont la famille Rothschild. Donc, il y a vraiment, encore une fois, moi, j'attendrai au moins une semaine, mais disons que la semaine prochaine, c'est sûr qu'on s'en reparle la semaine prochaine, Étienne, pour voir les mouvements qui se font, mais le taux de participation a été plus faible qu'espéré au premier tour, alors que moi, j'ai été marché vers le collège français, l'ancien collège Bellevue, là où les Français allaient voter, et il y a beaucoup de gens qui ont dû attendre plus d'une heure pour aller voter. À Montréal, c'était pire. Je pense qu'il y a des gens qui ont attendu 3 heures de temps. Donc, il y a plein de gens qui n'ont pas pu aller voter. Alors, on pourrait avoir un plus faible taux de participation qu'au premier tour, d'après moi. Et ça, quand le taux de participation fluctue comme ça à la baisse, ça peut cristalliser justement le vote de ceux qui veulent voter, par exemple, Front National depuis longtemps. Puis certaines analyses nous montrent que les voteurs pour le Front National, eux, ne changent pas d'idée. Ça fait longtemps qu'ils sont convaincus et eux sont très motivés à aller voter pour exprimer leur désarroi face au système. Alors que le vote de Macron est plutôt volatile. Donc, le taux de participation, il faudra surveiller le jour des élections le 7 mai. Si le taux de participation est faible, c'est peut-être une très mauvaise nouvelle pour ceux qui supportent Macron. Et une bonne pour ceux qui supportent Marine Le Pen. Et d'ailleurs, le premier geste, je ne sais pas si tu l'as remarqué, Étienne, au lendemain du premier tour, Marine Le Pen a quitté ses fonctions de présidente du Front National, probablement dans le but de se départisaniser et d'aller chercher un vote qui ne voterait jamais pour le Front National. Mais on pourrait dire que c'est plus de la frime. Elle va probablement prendre son poste au lendemain du deuxième tour. Mais il y a plein de stratégies comme ça. Il faut surveiller. Je pense que Mme Le Pen est en train de nous montrer que c'est une bête de campagne. Il faut jamais sous-estimer. Souviens-toi des conversations qu'on a eues sur Trump pendant les élections présidentielles américaines. Je pense que tu étais le seul journaliste ou chroniqueur, ou en tout cas commentateur politique, qui mettait Trump gagnant dans ce que je fréquentais. Et je pourrais te dire que tu as eu raison. Ben, c'est ça, parce que, bon, si on parle du cas de Trump, dans le cas du duel entre Hillary et Trump, on pourrait dire ça, le choix entre la peste et la choléra, là, pour résumer. Eh bien, les gens n'étaient pas décidés à l'avance. Jusqu'au dernier jour aux États-Unis, à cette élection-là, en novembre 2016, là, les États-Uniens n'étaient pas décidés entre les deux. Et c'est vraiment quand ils mettaient les pieds là, dans l'isoloir qu'ils se décidaient à la dernière seconde qui ça allait être entre les deux. Je sais pas si tu as eu l'impression qu'en France, c'est le cas aussi, que les gens sont pas décidés au moment où on se parle et qui sont du genre à traîner pour ce qui est de se décider entre les deux. Tout à fait. Les indécis sont ceux qui vont couronner le président. De ces temps-ci, on met les indécis du côté de Macron, ce qui est normal. C'est le centre droit, c'est la stabilité, c'est le vieux système qui veut... Se perdurer. Alors voilà, les indécis en dernier mille vont être ceux qui vont vraiment couronner le gagnant. Et personne ne le souhaite, vous le savez, Etienne. Mais s'il y a des drames reliés au terrorisme juste avant le vote, ça pourrait faire pencher les indécis d'un bord ou de l'autre. Mais en tout cas, je suis certain que j'ai vérifié du côté des autres candidats, du côté de Benoît Hamon, qui a fait alliance avec Europe Écologie Les Verts, donc les écologistes, qui ne valent que 6,5%, vous me direz, finalement, au premier tour, mais c'est quand même un pourcentage qui peut faire gagner ou perdre. Eh bien, eux, ils ont décidé officiellement, par la voix de leur porte-parole, Europe Écologie Les Verts, ont décidé, M. Cormann a décidé ce matin, il a écrit un beau texte qui dit on vote de reculons pour M. Macron parce qu'il ne représente pas nos idées, mais un peu comme tu le dis si bien, là, pour aller vers le moins pire, ils se sentent obligés d'encourager le vote vers Macron, et ils s'assurent en terminant leur lettre d'appui que lors des législatives qui s'en viennent à grands pas, ils auront la chance de faire valoir leurs propres idées, leurs propres valeurs, celles qu'ils ont mis de l'avant au premier tour, et que là, stratégiquement, ils ils vont du côté de Macron, mais ils essaient vraiment de se dissocier du vote Macron, mais ils disent on vous encourage quand même à le faire puisque voilà vous avez le choix entre l'ennemi de la République l'ennemi de l'Europe. Alors, eux, ils penchent du côté de la stabilité, quoi. Oui, ben c'est ça. D'ailleurs, c'est ça, c'est une posture stratégique parce que si on parie sur le bon cheval, on peut influencer ses politiques plus tard, hein, du moment qu'il est à l'Élysée, si jamais il a gagné. Peut-être, pour finir, quelques mots sur ceux qui sont ni Macron ni Marine Le Pen. J'ai pas hésité à mettre les photos de certaines manifestations en France où c'était carrément ça, des pancartes ni Macron ni Marine Le Pen. Est-ce que tu as l'impression que c'est un gros mouvement qui refuse de choisir? Si tu as vu les mêmes reportages que moi, ce sont surtout les jeunes qui ne se reconnaissent pas dans le vieux système de Macron, même s'il est un jeune de 39 ans. Et qui ne se reconnaissent pas dans la France que le Front National veut imposer. Donc, j'ai remarqué que c'est surtout les jeunes. Donc, on est vraiment en train d'assister à une nouvelle France. Hein. Si on n'a pas une nouvelle République, une sixième République, on va certainement assister à la création de nouveaux partis politiques. Et ces gens-là se mobilisent, remplissent des rues. Vraiment, je pense que ça pourrait aussi influencer le pourcentage de participation au deuxième tour. Ça me fait peur. J'espère que ces jeunes-là, même s'ils sont ni l'un ni l'autre, on comprend leur message. Ben, j'espère qu'ils vont au moins aller voter pour la moins pire des situations, quoi. Ben, ça va être ça le mot de la fin. J'ai l'impression vraiment qu'on peut résumer en disant qu'il y a une situation de ras-le-bol en France. Alors, on va faire les remerciements tout de suite. On n'est pas immunisés, nous non plus, Étienne, contre ça. Ça peut arriver chez nous aussi. C'est sûr. Fait que merci beaucoup, Jean Cloutier, d'avoir été là. On vous souhaite une bonne fin de festival. Oui. On remercie. À tantôt. Bonne voir Charlot. Ouais. On remercie aussi Michel Gauthier à la technique et on vous laisse dans quelques minutes après la pause. Ça va être les geeks contre-attaque. Ne quittez pas. Téléchargez le grain de sable sur ckrl.qc.ca ou abonnez-vous à son podcast sur iTunes. ckrl.qc.ca. Le gros lot du prochain tirage au loto 649 est évalué à 20 millions, en plus du million garanti. Et la meilleure façon d'avoir une chance de gagner, ben, c'est en s'achetant un billet. Découvrez l'exposition centrale de Manif d'art 8, la Biennale de Québec, présentée au pavillon Pierre Lassonde du Musée national des beaux-arts du Québec. Des artistes d'ici et d'ailleurs vous en mettront plein la vue. Cet hiver, célébrez l'art de la joie au M&Back.